Chapitre 7. Paul Armand, en partant le matin, avait prévenu Marie qu'il ne rentrerait ni déjeuner ni dîner. Puis il se fit conduire à Courbevoie et dit à son cocher : Retournez à Paris. Je n'aurai pas besoin de vous de tout le jour, mais vous viendrez me chercher. Trouvez-vous à minuit et demi sur le quai, en face de la grande porte. Inutile de réveiller le gardien. Jacques Garot entra dans un restaurant du bord de l'eau. Il y déjeuna et donna l'ordre de lui envoyer un dîner complet, pour deux personnes à 6 heures précises. En arrivant à l'usine, il dit à la femme du gardien, Madame Marchais, « Le monsieur qui est venu me demander hier soir, un peu avant 6 heures, reviendra s'asseoir. C'est un ingénieur avec qui je travaillerai fort avant dans la nuit. Vous pourrez vous coucher comme d'habitude. À 5 heures et demie, vous viendrez dresser une table dans mon cabinet et mettre 2 couverts. On apportera à dîner du restaurant. » À 5 heures et demie, la femme du gardien introduisit Ovide et vint mettre le couvert. Le millionnaire alla vivement à la rencontre du bandit et lui adressa la parole en anglais. Le Dijonnais comprit et répondit de même. « Tout est prêt pour rendre l'alibi indiscutable, » dit Paul Armand. « À 6 heures, nous dînerons. » L'industriel étala sur son bureau des plans de machines et les deux misérables feignirent de parler mécanique. « À quelle heure ton cocher sera-t-il ici ?» demanda Soliveau, toujours en anglais. « À 1h30, et il attendra sur le quai. La petite ira-t-elle là-bas, seule ou accompagnée ?»« Seule. » Le couvert étant mis, la femme du gardien se retira. Ovide tira de sa poche, pour le montrer à Paul Armand, le couteau acheté dans la boutique du quai Bourbon. La lame neuve étincelait. 6 heures sonnèrent à la pendule. Le garçon de bureau parut, introduisant le garçon du restaurant qui apportait le dîner dans une grande malle d'osier. « Marchais, vous nous servirez, » commanda Paul Armand. « Vous, » ajouta-t-il en s'adressant à l'employé du restaurant, « vous viendrez chercher tout cela demain matin. » Le dîner fut court. « Dois-je desservir ?» demanda Marchais. « Inutile, laissez tout ainsi. » À 7 heures, Marchais vint s'informer si le patron avait encore besoin de lui. « Non, » répondit Paul Armand, « donnez la consigne au gardien de ne me déranger sous aucun prétexte, et répétez-lui qu'il pourra se mettre au lit à son heure habituelle. » Le Dijonnais commença de se travestir. Au bout de 5 minutes, il se tourna vers son ex-associé qui l'avait regardé faire sans prononcer un mot. « Même effrusque en lieu sûr, dit-il, et maintenant conduis-moi à la porte dont tu m'as parlé. » Toujours sans mot dire, le millionnaire prit une clé dans son tiroir et fit signe à Ovide de le suivre. L'obscurité était complète. La lune ne devait se lever que plus tard. Un silence absolu régnait. Ils traversèrent une cour en silence, puis une autre, et Jacques Garot fit halte devant une petite porte. La porte s'ouvrit. « Voici la clé, » ajouta le père de Marie. « Prends à droite. Dans 5 minutes, tu seras sur la route de la Garenne-Colombes. » Ovide prit la clé, s'élança au dehors. Au loin, l'horloge du clocher de Courbevoie sonnait 8 heures. À 7 minutes précises, Lucie montait à la gare Saint-Lazare dans le train prêt à partir. Bientôt, elle descendit à Bois-Colombes et s'engagea dans la route qu'elle avait suivie la veille. Il n'était pas assez tard pour qu'elle eût peur. Elle atteignit sans encombre le but de sa course. Madame la mairesse était en train de se faire coiffer. Or, le coiffeur ne mit pas moins de 3 quarts d'heure à accommoder madame, qui ne trouvait rien de bien. Enfin, arriva le tour de Lucie. La robe de bal fut tirée du carton où elle était délicatement étendue. Cette robe était véritablement une œuvre d'art. Elle allait à merveille, et l'invité du préfet de la Seine ne fit point de difficulté d'en convenir. Cependant, il fallait retoucher quelque chose au corsage. Cette retouche prit 20 minutes. Il restait encore à poser des guirlandes de fleurs naturelles. Lucie poussa un énorme soupir de résignation et se mit à l'œuvre. « Nous la laisserons travailler et nous retournerons à Paris, à la boulangerie de la rue Dauphine. » Il était 9 heures du soir. La bonne de Madame Lebray était allée chez le pharmacien chercher une potion pour la malade, dont l'état s'aggravait de plus en plus. Maman Lison gardait la boutique en attendant le retour de la servante et l'arrivée de Monsieur Lebray. À 9h10, celui-ci apparut. « Comment va la bourgeoise, maman Lison ?» demanda-t-il. « Bien mal, monsieur Lebray, » répondit la porteuse de pain. « Depuis 2 heures, elle demande si vous êtes revenu. » Lebray monta près de sa femme. En le voyant, elle lui tendit la main. La maladie avait fait depuis la veille de terribles ravages. En constatant du premier regard l'empreinte de la mort sur ce pâle visage, le boulanger sentit son cœur se serrer. « Eh bien, ça ne va donc pas mieux, ma pauvre amie ?»« Ça va bien mal, » répondit madame Lebray. « C'est fini, je vais mourir. » Les larmes montèrent aux yeux du mari. « Allons donc, » répliqua-t-il, « qu'est-ce que ça signifie, ces idées-là »« Je vais mourir, » répéta Madame Lebray. « Je le sens, va. Avant de mourir, je voudrais te demander quelque chose. »« Quoi ? Parle vite. tout ce que tu voudras. Eh bien, je voudrais voir ma mère. » Lebret tressauta. « Oh, je sais qu'elle a eu beaucoup de tort envers toi. Puis tu en as eu aussi. Que t'importe cela? Tu ne voudras pas me laisser mourir sans voir ma mère. Elle ne consentira jamais à venir, je la connais. » « Tu te trompes, reprit la malade. Elle consentira si tu lui écris que tu regrettes le passé, que tu l'as pris de te pardonner et de venir me voir. » « Je n'écrirai pas cela, répliqua Lebret d'un ton brutal. Tu veux donc que je meure, désolé? Tu ne seras pas si cruel, balbutia la pauvre femme en fondant en larmes. Le boulanger baissa la tête et parut réfléchir. Brusquement et à haute voix. « J'écrirai, fit-il. « Oh, merci, mon ami, s'écria la malade en joignant les mains. « Tu écriras tout de suite. Demain, il serait trop tard. » « Mais comment la lettre arrivera-t-elle? Maman Lison ira la porter à la Garenne Colombe et ramènera ma mère avec elle. Ainsi, je la verrai cette nuit. » Le boulanger descendit. Un quart d'heure après, il remettait la lettre à Maman Lison. « Partez bien vite, dit-il, voici de l'argent. Vous prendrez une voiture pour aller à la gare et une autre pour en revenir. » Ce disant, il mettait 4 pièces de 100 sous dans la main de Jeanne Fortier. À 10h19, elle descendait à Bois-Colombes et se dirigeait vers la Garenne par le même chemin qu'elle avait suivi la veille. Jeanne Fortier eut bientôt gagné la route de Paris. Elle fit halte devant la maison de Madame Lebret, saisit la chaîne de la sonnette et se mit à l'agiter à tour de bras. Enfin une voix cria du fond du jardin. « Qui est là? Qui sonne ?»« C'est une lettre que j'apporte de la part de Monsieur Lebret, dont la femme se meurt, » répondit Jeanne. La bonne vint lui ouvrir, la reconnut et lui dit « C'est vous qui êtes venue hier? Elle va donc bien mal, la fille à Madame ?»« La pauvre femme n'a plus que quelques heures à vivre. » Madame Lebret, après avoir passé en toute hâte un jupon et une camisole, était descendue. « Une lettre pour vous, madame, lui dit vivement Jeanne, une lettre très pressée de votre gendre, monsieur Lebret. » Madame Lebret prit la lettre d'un air imposant, déchira l'enveloppe et lut, sans la moindre trace d'émotion. « C'est bien, dit-elle ensuite froidement. Monsieur mon gendre a mis les pouces. Justine, donnez-moi vite une robe, une pelisse et habillez-vous. Nous partirons pour Paris par le dernier train. » Elle ajouta en s'adressant à la porteuse de pain, « Attendez-moi ici. » « Ça ne sera pas long. » À la villa de M. le maire, Lucie avait achevé sa besogne. L'heure avançait, et pour rien au monde, elle n'aurait voulu manquer le train de minuit. Elle avait devant elle 40 minutes pour gagner la gare. C'était plus de temps qu'il ne lui en fallait. Cependant, elle hâtait le pas. Ovid Soliveau, dissimulé dans le petit bouquet de bois dont nous avons déjà parlé, avait entendu le bruit de la marche rapide et légère de l'ouvrière. Il tira de sa poche le couteau que nous connaissons, enleva le bouchon fiché sur la pointe, et se rassembla de manière à pouvoir s'élancer sur la jeune fille, comme le jaguar sur sa proie. Lucie avançait toujours. Malgré l'obscurité, Soliveau la reconnut. Elle portait le carton de Madame Augustine. 2 ou 3 secondes s'écoulèrent. La jeune fille arrivait au niveau du guetteur. Ovid fit un bond, se trouva au milieu de chemin, le bras levé, et avant que Lucie ait pu s'apercevoir de l'effroyable péril qui la menaçait, elle tomba frappée par l'arme du misérable en poussant un grand cri. L'assassin se pencha sur le corps, leva de nouveau le bras et porta un second coup en pleine poitrine. Mais la pointe de l'arme, rencontrant un obstacle métallique, se brisa net au lieu de pénétrer. « Ça ne fait rien, murmura le bandit, elle a son compte. » Puis, voyant une montre et sa chaîne au corsage de la jeune fille, il les enleva et, fouillant la poche de la robe, il retira le porte-monnaie qui s'y trouvait. Ainsi l'affaire sera mise sur le compte des voleurs. Alors il s'élança dans le sentier qui contournait le bouquet d'arbres. Soudain, il s'arrêta. On parlait devant lui à une faible distance. Et 3 formes humaines s'avançaient au milieu des ténèbres. Ovid sauta dans les terres labourées et prit sa course en jetant dans un sillon le manche du couteau brisé qu'il tenait encore à la main. Les 3 formes qu'il venait d'apercevoir étaient celles de Jeanne Fortier, de Madame Lebret et de sa bonne. « Je vous assure, madame, disait Jeanne, que j'ai bien entendu un cri du côté du chemin de fer, là en face de nous, au bout de ce sentier. Un cri d'épouvante, un cri de mort. « Vous vous serez trompé, répliqua la vieille dame. Je suis sûr du contraire. » C'est à ce moment qu'Ovid s'était mise à fuir à travers champs. Jeanne aperçut le misérable qui détalait. « Tenez, madame, reprit-elle, en tendant le bras vers l'ombre encore distincte. C'est un homme qui nous a vus, et qui se sauve. On l'a connu, on a commis un crime près d'ici. Ce que j'ai entendu était bien un cri d'agonie. » Et la porteuse de pain se mit à courir en avant. Tout en courant, Jeanne avait l'oreille au guet. Elle arriva près du bouquet d'arbres, à l'endroit où s'était passé le drame. Là, elle fit halte en frissonnant. Sur le sol à ses pieds, elle voyait un corps étendu. Elle se pencha précipitamment et ses doigts rencontrèrent le carton vide que Lucie avait laissé s'échapper de ses mains. En ce moment, un frisson nerveux secoua son corps. Elle se souvenait que la veille, Lucie, rencontrée sur ce même chemin, lui avait dit qu'elle devait le lendemain soir venir livrer une robe à la Garenne Colombe. Une peur panique s'empara de Jeanne. À demi-folle, la porteuse de pain approcha son visage de celui du corps immobile dont elle souleva la tête. Un sourd gémissement s'échappa de ses lèvres. Elle reconnaissait Lucie. « Qu'y a-t-il donc ?» lui demanda Madame Lebray, la rejoignant. « Un crime, je vous le disais bien. Elle est morte. Lucie, ma chère Lucie, pauvre enfant. » Madame Lebray et sa bonne, prises d'épouvante, tremblaient sur leurs jambes. « Vous connaissez cette malheureuse ?» reprit la dame. Jeanne ne l'entendit pas. Elle soulevait le corps inerte. Soudain, elle sentit une humidité chaude sur ses doigts. « Son sang coule, balbutia-t-elle. Son cœur bat. Elle est vivante encore. » La porteuse de pain ajouta en s'adressant à Madame Lebray. « Votre fille vous attend. Partez vite. Mais prévenez à la gare de Bois-Colombes, afin qu'on envoie quelqu'un ici pour m'aider à sauver cette pauvre enfant. »« Venez, madame, venez vite, » fit la bonne de Madame Lebray. « Nous manquerons le train si nous ne nous dépêchons pas. » Les deux femmes arrivèrent essoufflées, en avance de quelques minutes. Deux gendarmes se trouvaient à la gare. « Messieurs, leur dit la vieille dame, en s'efforçant de reprendre haleine, on vient de commettre un crime, sur la route, dans le sentier qui longe la voie du chemin de fer de Saint-Germain. On a assassiné une jeune fille. Nous avons laissé près d'elle une femme qui la connaît. Désignez-moi tout au juste cet endroit. Près du sentier, à côté d'un bouquet d'arbres. Suffit, je vois cela d'ici. Nous allons nous y rendre. Vite, Larchaud, fit le brigadier en s'adressant au second gendarme. Allez réveiller le commissaire. Prenez à la gendarmerie un brancard et deux hommes. Moi, je vais là-bas. Le brigadier se dirigea rapidement vers le lieu désigné. Bientôt, il arriva près de Jeanne. La jeune fille vivait, mais elle était évanouie, et son évanouissement ne cessait pas. En voyant le brigadier, Jeanne poussa un cri de joie. « Ah, oh, monsieur, dit-elle, venez vite à mon secours, la pauvre enfant se meurt. Elle a une blessure à la poitrine. Le sang coule sans s'arrêter sur mes mains. Il faudrait l'emporter d'ici. » Dans le silence de la nuit, une voix retentit. « Brigadier !» cria cette voix. « Où êtes-vous ? Par ici, suivez la haie du chemin de fer. » Bientôt, des lumières apparurent dans les ténèbres. Larchaud, hors d'haleine, devança la petite troupe qui l'accompagnait et rejoignit son supérieur. « Voici, monsieur le commissaire, fit le gendarme. Je l'ai trouvé avec monsieur Duval, le médecin. » Ils viennent en même temps que les camarades et que le brancard. Bientôt, les nouveaux venus arrivèrent sur le théâtre du crime. Deux d'entre eux, qui tenaient les falots, s'approchèrent vivement et éclairèrent le groupe. Livide et les yeux fermés, Lucie ne donnait aucun signe de vie. « Quelle est cette femme ? Demanda le commissaire en voyant Jeanne, aussi pâle que la blessée et couverte de sang. Le brigadier mit le magistrat au courant de la situation. Le commissaire reprit en s'adressant à Jeanne. « Ainsi, vous connaissez cette jeune fille ? Oui, monsieur, elle habite à Paris, la même maison que moi. » Comment et pourquoi se trouvait-elle après minuit seule et en pleine campagne? Elle est couturière de son état et venait d'apporter ce soir une robe de bal à la femme de monsieur le maire du pays. Et vous, que faisiez-vous ici à cette heure? Jeanne expliqua le motif de sa présence. Jeanne compléta les renseignements en faisant le très court récit de ce que nos lecteurs savent déjà. Selon toute apparence, le mobile de l'assassinat a été le vol, dit le commissaire. L'homme que vous avez vu fuir dans la nuit était sans doute l'assassin. Demain commenceront les recherches. Le médecin, éclairé par les gendarmes, porteurs de falots, s'était agenouillé près de la jeune fille et avait mis à découvert la blessure, qu'il examinait avec attention. « Eh bien, docteur ?» lui demanda le commissaire. « La blessure est grave, » répondit le médecin, « mais je crois pouvoir espérer qu'elle n'est pas mortelle. Les baleines du corset ont fait dévier l'arme. »« Qu'est-ce que cela ?» dit le commissaire en voyant briller sur le sol un objet métallique qu'il ramassa. « C'est la moitié de la lame du couteau dont l'assassin s'est servi. Cette lame, en portant un second coup, a rencontré le busque d'acier du corset. » « Là, voyez, et c'est brisé. Que devons-nous faire, docteur ?» demanda le magistrat. « Transporter cet enfant. »« On la conduira chez moi, » reprit le commissaire. « J'ai une chambre libre, et cette brave femme lui donnera ses soins. »« Certes, je ne la quitterai pas, » s'écria Jeanne. Lucie fut étendue, avec des précautions infinies sur le brancard, et le convoi prit la route de Bois-Colombes. On arriva vite à la maison où Lucie devait recevoir l'hospitalité. La femme du magistrat et sa servante s'empressèrent de préparer un lit pour la jeune fille. Le docteur sonda la blessure, s'assura qu'il ne s'était point trompé en ne la croyant pas dangereuse, et procéda à un pansement sommaire. Pendant ce temps, le commissaire et le brigadier fouillaient ses vêtements. « C'est bien pour la voler qu'on a voulu tuer cet enfant, » dit le brigadier. « On a retourné les poches de la robe, et voici une boutonnière déchirée au corsage, sans doute en arrachant un objet qui s'y trouvait suspendu. « Sa montre, monsieur, » fit la porteuse de pain. On commença la rédaction d'un procès-verbal détaillé, et on se sépara vers les 3 heures du matin. Laissant la blessée, toujours évanouie, sous la garde de maman Lison. Ovide Soliveau avait vivement gagné la route de Paris et s'était élancé vers Courbevoie, où Paul Armand l'attendait. Il n'eut aucune peine à retrouver la petite porte donnant accès dans l'usine. Le constructeur fiévreux le fit vivement entrer, en demandant d'une voix à peine distincte. « Eh bien, c'est fait, » répondit Ovide. « Lucien Labroux est veuve de la main gauche. Il ne lui reste qu'à épouser ta fille devant monsieur le maire. » On gagna le bureau du constructeur. Soliveau s'empressa de changer de costume. Il replia ses vêtements de paysan, qu'il enferma dans la valise, et il glissa dans l'une des poches la montre et le porte-monnaie volé à Lucie. La voiture attendait. Les deux hommes y montèrent. « Où veux-tu que je te conduise ?» demanda le constructeur. « Boulevard des Batignolles, je serai près de chez moi. » À l'endroit indiqué, les scélérats se séparèrent. Chaque garou gagna son hôtel. Marie est sauvée, pensait-il, sa rivale n'existe plus. Au petit jour, le commissaire de police de Bois-Colombes et les gendarmes se trouvaient réunis à l'endroit où Lucie était tombée frappée par Ovide. Une enquête minutieuse démontra que l'assassin, couché dans le petit bois, avait attendu le passage de quelqu'un. On reprit le chemin de Bois-Colombes. Le médecin était installé au chevet de la malade qui venait de reprendre connaissance. Lucie, en ouvrant les yeux, jeta autour d'elle un regard vague d'abord, puis inquiet. Tout à coup, elle aperçut Maman Lison. Jeanne se pencha vers le lit. « Vous me reconnaissez, chère mignonne ? » demanda-t-elle. « Oui, » dit Lucie d'une voix faible. « Mais où suis-je donc ?»« Chez le commissaire de police de Bois-Colombes. « Vous étiez blessée, mademoiselle, » lui dit-il, « et c'était un devoir pour moi de vous donner ma maison pour asile. » « Oui, oui, je me souviens, » murmura Lucie. « Un homme, tout à coup, s'est dressé devant moi et m'a frappé. À partir de ce moment, il n'y a que ténèbres. Avez-vous vu le visage de l'homme ?»« Non, monsieur, la nuit était trop noire. Vous aviez sur vous une montre, n'est-ce pas ? En or avec sa chaîne. Et un porte-monnaie ? » ?»« Oui. Que contenait-il ? Une trentaine de francs et un billet de retour. Toutes les montres portent un numéro d'ordre. Savez-vous le numéro de la vôtre ?»« Non, monsieur. Où l'avez-vous acheté ?» On m'en a fait cadeau, elle venait d'une boutique d'horlogerie de la rue Saint-Antoine, au coin de l'impasse Guéméné. Le commissaire écrivit l'adresse. Est indiscret, fit-il ensuite, de vous demander le nom de la personne à qui la montre a été vendue. Cette personne est mon futur mari, monsieur Lucien Labroux. Je dois être blessé gravement, fit Lucie, car je souffre. Vous devez souffrir en effet, mon enfant, répondit le médecin. La blessure est profonde, mais je vous affirme qu'elle ne met point vos jours en danger, et qu'elle sera vite guérie. Il est heureux que cette brave femme ait suivi le chemin où vous étiez tombée. Sans elle, vous seriez morte de la perte de votre sang. « Ma bonne Lison, je vous dois la vie, » fit Lucie. « Depuis combien de temps suis-je ici ?»« Depuis la nuit dernière. »« Est-ce que je ne pourrais pas retourner chez moi ?»« Ce sera sans inconvénient lorsque j'aurai fait un pansement sérieux, » dit le médecin. « Mais pas avant ce soir. »« Maman Lison, vous ne me quitterez point, n'est-ce pas ?» demanda Lucie à Jeanne. « Je voudrais cependant bien aller jusqu'à la rue Dauphine, prévenir mon patron et voir ce qui se passe. » « C'est vrai, maman Lison, il faut prévenir. Allez là-bas. » La porteuse de pain, en arrivant rue Dauphine, reçut une violente émotion en pleine poitrine. Les volets de la boutique restaient clos, et sur la devanture était fixée une feuille de papier portant ces mots « Fermée pour cause de décès ». Jeanne gagna l'arrière-boutique où se trouvaient madame Lebray, son gendre et sa servante. Tous les trois pleuraient. « C'est fini, maman Lison, » dit Lebray d'une voix entrecoupée. La porteuse de pain, les yeux pleins de larmes, murmura. « Vous me pardonnerez de ne pas être revenue hier soir. » « Ma belle-mère m'a dit que vous aviez été retenue. Et vous êtes toute pardonnée, maman Lison. Ma pauvre femme vous aimait beaucoup. Vous resterez ici comme de son vivant. » Jeanne sanglotait. Elle balbutia. « J'aurais voulu vous demander la permission de retourner aujourd'hui à Bois-Colombes, près de ma pauvre blessée. Vous le pouvez, maman Lison. Demain matin, je serai ici et je reprendrai mon service. » Tandis que Jeanne arrivait à Bois-Colombes, on était fort étonné chez madame Augustine de ne pouvoir Lucie venir rendre compte de la livraison faite par elle la veille au soir. Madame Augustine envoya une de ses ouvrières au quai Bourbon. L'ouvrière revint en disant que mademoiselle Lucie n'était point encore rentrée. Cette absence sembla tellement étrange à la grande tailleuse qu'elle expédia très inquiète un domestique à la Garenne Colombe. Ce domestique apporta l'assurance que la jeune ouvrière avait quitté la maison de monsieur le maire pour revenir à Paris. L'inquiétude de madame Augustine devint de l'effroi. Elle dit à mademoiselle Amanda, « Ma chère enfant, en sortant d'ici, allez au quai Bourbon, vous informez si Lucie a reparu, et revenez me le dire. » Mademoiselle Amanda descendit dans la rue où Ovide l'attendait. « Encore une corvée ? » s'écria-t-elle en le rejoignant. « Quelle corvée ? Cette pironnelle de Lucie a disparu. »« Disparu ?» répéta Soliveau avec une surprise fort bien jouée. « Elle a quitté la Garenne Colombe à 11h30 du soir et on ne l'a pas revue depuis. »« La patronne m'envoie chez elle pour savoir si on a enfin de ses nouvelles. »« J'ai envie d'aller avec vous. » Ovide prit une voiture à l'heure et donna l'ordre au cocher de les mener au quai Bourbon. Le misérable attendit avec impatience et curiosité que mademoiselle Amanda eut interrogé la concierge. « Eh bien, lui demanda le pseudo Arnold Dorès, quand elle rejoignit la voiture. On n'a pas entendu parler d'elle. Retournons à la rue Saint-Honoré, et nous dînerons ensuite. »